et tu fermes les yeux. Tu dis c'est merveilleux et le monde chavire. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Et je ferme les yeux comme un enfant heureux et le monde chavire. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Le temps s'arrête là et le monde c'est toi. Et le monde c'est moi. Tant que la vie permettra ce miracle, tant que nos deux corps brûleront, tu verras que nous serons tous deux les enfants fabuleux de l'amour. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Tant que le ciel bénira nos étreintes, nous offrant ces ailleurs sans frontières, sans crainte, comme il semblera loin, très très loin, le tout dernier des jours. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Tant que naîtront ces moments fantastiques, tant que nos deux corps sur les mêmes musiques vibreront, nous saurons ce pourquoi il faut vivre. Ferme les yeux, tu dis c'est merveilleux et le monde chavire. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Et je ferme les yeux comme un enfant heureux et le monde chavire. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Et tout s'arrête là et le monde c'est toi. Ces matins que le soleil embrase, nous serons tous les deux les enfants fabuleux de l'amour. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Tant que grisés, exténués du voyage, nous resterons là comme sur une plage, perdus et perdus face au plus lumineux des séjours. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Tant que naîtront ces moments fantastiques, tant que sur les mêmes musiques vivront ces instants prodigieux qui ressemblent à toujours. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Tant que la vie permettra ce miracle, tant que nos deux corps s'uniront au pinacle, comme il semblera loin, très très loin.